Chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? Ça fait un petit moment quand même qu'on ne s'était pas revu, entendu, enfin surtout vous. Et j'espère que vous m'entendez parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre sur le micro. Mais bon, ça a l'air d'être à peu près correct. Eh oui, retour de la machine à son, retour des emmerdements. Eh c'est oui, c'est comme ça, ils sont à l'appel. Non mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc voilà, en fait, bon, faut que je vous explique un petit peu pourquoi il y a eu un petit silence sonore de la part du professeur. En fait, le professeur... Juste après la dernière émission, qui date quand même d'il y a quelques semaines, bon, vous avez eu de la chance d'avoir des choses rediffusées, donc vous avez pu quand même un peu vous régaler, enfin du moins je l'espère. Et donc en fait, le professeur, voilà, le lendemain de l'émission, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, eh ben, il tombe sur une bande de louves de mer, et là, le truc, la révélation, la mer. Et j'ai dit, mais oui, c'est ça, la mer, c'est ça qu'il me faut. Donc, alors vous voyez un peu le truc, les louves, la mer, c'est bon, c'est, avec le professeur, de toute façon, c'est toujours un petit peu au perché, quoi, quand même, voire psychanalytique, où le psy tout seul suffit, quoi. Et donc, du coup, il décide, il s'embarque, voilà. Sauf qu'il les a tellement gonflés en très peu de temps que, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, première île déserte, pof, ils l'ont posé, et moi, j'ai mis 2 mois à peu près à le retrouver. D'où notre retard. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de l'avoir laissé partir. Mais le problème, c'est qu'il est un petit peu insaisissable. Vous voyez, on a un peu des difficultés à l'appréhender, cet animal-là. Donc voilà. Donc du coup, bah, retour en douceur hein, pour le professeur, parce que du coup, il est revenu il n'y a pas très longtemps, hein, là, il y a quelques heures, juste le temps de passer chez lui, récupérer 2-3 bordilles à mettre ce soir. Donc voilà, bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce soit pas trop pénible. Donc je vous propose dans un premier temps de vous détendre en buvant quoi? Une de vos boissons préférées, peut-être. Thank you. belle erreur du professeur La Bicicletta. Non, pas du professeur, c'est moi, pardon, qui ai touché le mauvais bouton. Je vous ai coupé un peu la fin, mais c'est normal avec l'excitation du morceau. Normal, on peut faire que des conneries. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter? Tiens, en parlant de conneries. Bah oui, comme ça, hop là, tenez, ça faisait longtemps que je n'avais plus entendu le grincement. Et oui, oui, c'est assez intéressant. Donc là, on est rentré dans la machination, on va dire, de façon assez généraliste, comme ça. Voilà, une idée un peu de ce qui va se passer. C'est-à-dire, comme très souvent, du grand n'importe quoi, à tel point que je ne sais même plus quoi vous passer. Ah, bah si, si, si, si, si, si, mes petits chéris. Encore des erreurs, ouais, oui, des erreurs de débutant, excusez-moi, j'étais en train de régler les disques avec tous les trucs allumés. Ouais, ouais, moi j'aime bien quand même vous raconter un peu le pourquoi de temps en temps vous entendez des trucs bizarres, et oui, c'est un peu dérangeant, mais c'est comme ça, c'est l'amateurisme éternel, jusqu'au bout ça sera comme ça. Donc soit vous aimez, soit vous aimez, vous n'avez pas le choix, sinon voilà la réponse. Waves and the lazy breeze on keys. My

Vous êtes bien entendu dans la machine à son, c'est le freak out total, paraît-il. Les voisins se plaignent. I'm better. leur prendrais bien une petite banane, lui dit la femme aux yeux langoureux. We need a picture. Macart et BK 1234, durée 3 minutes. Ne quittez pas, vous êtes en ligne. Allô ? C'est José. José. José, tu ne t'en souviens pas ? Comment puis-je t'oublier ? Depuis que j'ai entendu ta voix, chaque matin est un nouveau printemps. Thank you. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le message existentiel de ce fabuleux morceau, eh bien rappelez-vous de votre jeunesse, si vous en avez eu, les premières fois que vous avez abusé, eh bien voilà, vous avez compris. Mais tout ça, c'est tout à fait normal. Et oui, dans la machine à son, il n'y a pas grand-chose de normal. Eh bien là, ce morceau, il est normal. L'été arrive, bientôt la plage, méfiez-vous. Nobody. Petit souci technique, et ben oui, bravo, bravo. Ah là là, je vous jure, c'est dingue. C'est fou, hein, parce qu'il y a des trucs, genre le vélo. Attendez, voilà, je reprends un peu la parole là, parce que je fais n'importe quoi. Heureusement que c'est le final, hein, je vais aller me coucher. Donc il y a des trucs, ça s'oublie pas, le vélo, le judo, machin, la radio. Par contre, putain, j'oublie tout. Thank you. She wrote to the devil and asked him to pay. The devil was wiser. It's time to repent. He asked her to give back the money she spent. My wild love went right in. She rode to the sea. She gathered together some shells for her head. She rode and she rode on. She rode for a while. Then stopped for an evening and laid her head down. She rode on to Christmas. She rode to the farm. She rode to Japan and re-entered a town. By this time the it changed 1 degree. She asked for the people to let her go free. My wild love is crazy. She screams like a bird. She moans like a cat when she wants to be heard. My wild love went right in. She wrote for an hour. She wrote and she rested. And then she wrote on. Eh bien, dites donc, il est temps que ça se finisse, hein. Oh là là, compliqué. En fait, allez, je vous rassure, on m'a pris une... on m'a amené un nouveau jouet à la radio. C'est ça qui m'a un peu perturbé ce soir. Voilà, ça fait genre le mauvais délire qui est derrière. Bon allez, je vous dis vite ce que vous avez entendu ce soir. On va baisser un petit peu le truc qui rend complètement psychotique. Ben, n'empêche que je vous promets que, voilà, ça je pense que vous allez en bouffer ces conneries. Je vais un petit peu m'améliorer au niveau style, mais vous allez voir, ça va être terrible. Donc ce soir, vous avez entendu les Doors, Bang Bang Band Girl avec la fabuleuse, mais alors la fabuleuse, hein, pour une fois, là j'insiste, reprise de Waiting, Zimmy Check, Bad Decision, Urban Junior, les Coronados, E.T. Explore Me, The Bananas Split, The Bananas Splits, attention, Ouba, Archie and the Bunker, Teddy Lasry, Don et Françoise, avec aussi une reprise assez incroyable de Kiss My Eyes. Oh, vite, My Eyes, ben je l'ai dit comme elle, ah, c'est dingue. Les What's Little Angel, fabuleux, Nester Donuts, les Pink Floyd et Los Beachos pour démarrer. Et moi, je vous dis au revoir. Ah oui, il faudrait peut-être que je monte le son encore un coup. Oh, c'est dingue.